Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. On a longtemps considéré Sigmund Freud comme le Christophe Colomb de l'inconscient, celui par qui un nouveau continent s'était révélé à la face de l'humanité. Pourtant, l'histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. Des pensées philosophiques de l'époque moderne aux études neuroscientifiques, en passant par la psychanalyse, l'inconscient reste un continent encore largement inexploré. Nous mettons donc aujourd'hui le cap vers ce bout du monde et ce bout de nous qui nous appelle en rêve et qui guide, sans que nous en soyons conscients, une partie de nos actions. Inconscient, la porte d'à côté, c'est le programme de découverte qui est le nôtre aujourd'hui. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler de cette sinueuse et encore inachevée découverte de l'inconscient, nous sommes en ligne avec Claire Sergent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de neurosciences cognitives à l'Université de Paris et nous sommes en studio avec Jean-François Dortier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la revue Sciences Humaines et de la revue L'Humanologue. Alors, on va se jeter immédiatement dans le vif de notre sujet obscur, l'inconscient. J'aimerais vous poser en préambule à tous les deux une question assez simple. À quand remonte dans les questionnements philosophiques ou scientifiques cette notion d'inconscient ? Jean-François Dortier. Alors, le mot lui-même, il est assez récent. Il date du 19e siècle, il commence à être employé par des psychologues, notamment von Hartmann qui écrit en 1868 une philosophie de l'inconscient, mais il y a d'autres penseurs à l'époque. L'idée même, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait au-delà de la conscience des forces mystérieuses, obscures, qui vous guident votre action, vos pensées, alors ça remonte à beaucoup plus... tôt dans le passé. D'une certaine façon, les esprits animaux de Descartes, c'est une vision de l'inconscient. Et même, on pourrait remonter jusqu'à Aristote. En fait, on va voir que le mot inconscient, c'est un mot attrape-tout, justement, qui a une définition précise, qui se focalise au tournant du 19e, 20e siècle, mais qui a des racines très profondes, à la fois dans la philosophie, dans la psychologie, et même dans les philosophes de la nature. L'instinct de Darwin, c'est une autre figure de l'inconscient. Claire Sergent, Jean-François Dortier vient d'évoquer à l'instant cette notion d'inconscient pensée par des savants philosophes. Est-ce que dans l'histoire des sciences, et notamment dans l'histoire de la médecine, cette notion d'inconscient apparaît très tôt comme potentielle source de pathologie ? Eh bien, je rejoindrai Jean-François Dortier déjà sur la notion que le mot lui-même n'est pas forcément installé, mais on va commencer à parler de processus qui ressemblent drôlement à ce qu'on va appeler inconscient aujourd'hui. On va se rejoindre aussi sur Descartes. Il commence à parler de réflexe. Le réflexe, c'est déjà un processus, par définition, inconscient. Peut-être pas très rigolo parce qu'on sait que ça passe pas par le cerveau, ça peut apparaître pas très complexe, mais disons que cela fait longtemps que les neurosciences et la psychologie expérimentale constatent ce contraste entre des processus qui ont l'air automatiques et des processus qui sont plus contrôlés, sans forcément y plaquer le mot d'inconscient ou même oser y plaquer le mot d'inconscient. Et bien sûr, la psychanalyse a ouvert la brèche sur le mot lui-même, mais d'un point de vue vraiment expérimental, on a osé s'approprier cette notion dans le champ de l'expérience scientifique, autour des années 1950-1970, où on ne pouvait pas faire autrement que de commencer à parler de processus inconscient en regard de processus conscient. Et tous ces processus et toutes ces expériences-là, on en parlera bien évidemment dans le courant de l'émission. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à la genèse et qu'on fasse la généalogie de cette notion de l'inconscient. Jean-François Dortier, vous évoquiez une figure déterminante, Descartes. Quelle importance et quel rôle a joué Descartes dans la plantation des fondations de cet inconscient ? Alors, Descartes est surtout connu pour parler de la conscience, la conscience, du cogito. Au demeurant, vous pouvez remarquer que Descartes lui-même ne parle pas de conscience. La plupart des mots qui sont utilisés pour définir la psyché humaine, encore aujourd'hui, le psychisme, la pensée, l'esprit... Psyché, c'est amusant parce que ça nous renvoie à l'Antiquité. Tous ces mots-là traversent à la fois l'histoire de la philosophie, mais certains sont récents. Par exemple, le mot « intelligence » aussi, il est entendu depuis le XIXe siècle. Kant ne parlait pas d'intelligence, il parlait de l'entendement. Est-ce que c'est exactement la même chose ou pas la même chose? Le mot « culture », le mot « pensée », le mot « conscience », ce sont des mots nouveaux qui se sont reconfigurés et pour indiquer, alors, est-ce qu'on parlait de la même chose? C'est tout le problème. Alors, pour revenir à votre question sur Descartes, Descartes, lui, il s'intéresse surtout au raisonnement et à la pensée consciente, mais il a bien compris que l'être humain, il est fait d'une partie la psyché et de l'autre partie qui est le corps. Et dans le corps, il est agité par des esprits animaux. Les esprits animaux, c'est quoi? C'est l'influx nerveux, mais on pourrait dire aujourd'hui c'est les hormones. C'est quelque chose qui agit l'être humain en tant qu'animal. Et donc, ça renvoie à cette idée qu'on trouvait déjà chez Aristote. Aristote, il parlait de l'âme. Il disait l'âme, il y a une âme végétale, c'est la force vitale. Il y a une âme animale, puisque l'animal se meut, il est animé par des forces mystérieuses. Et puis, l'être humain, il a accédé à une nouvelle forme d'âme. Et là, c'est une psyché consciente. Mais il a bien compris que l'esprit humain, enfin, plutôt l'être humain, il est fait par étages, avec des couches successives d'états de conscience, on pourrait dire, ou d'états de vie. Donc, à la fois ses motivations, ses pulsions, ses aspirations, elles ont un ancrage dans le monde animal. Et c'est peut-être là déjà qu'on a l'idée d'un inconscient, parce que Aristote savait déjà que les oiseaux construisent des nids par un mot qu'il appelait pas encore l'instinct, il viendra après, mais parce qu'ils sont programmés pour faire ça et ils agissent pas forcément consciemment pour le faire, mais quand ils le font, il y a un but, il y a quelque chose qui agit entre eux et qui guide leur destinée. Claire Sergent, dans ce que je dis, Jean-François Dortier, il y a quelque chose qui m'intéresse profondément, c'est que on peut pas parler d'inconscience et d'inconscient sans parler de conscience. Quelle définition, vous, en tant que neuroscientifique, vous pouvez nous donner aujourd'hui de la conscience? Oula. Et on a malheureusement pas 1000 ans. Oui, bah exactement. C'est une définition qui naît du contraste, c'est-à-dire qui naît de la découverte qu'il peut exister un traitement cognitif, même de haut niveau, en dehors du sentiment subjectif de connaître ce traitement cognitif. Et donc, pour être plus concret, je dirais que donc la définition de la conscience va surgir de certaines observations, comme par exemple les syndromes d'héminégligence. Donc l'héminégligence, c'est un syndrome qu'on observe chez certaines personnes qui ont eu des lésions dans les structures qui sous-tendent notre attention. Donc dans le lobe pariétal. Et alors chez ces patients, certains vont développer une héminégligence, c'est-à-dire qu'ils vont ignorer totalement la moitié de leur monde. Et bien chez ces patients, donc ils vont ignorer par exemple la moitié gauche de leur monde et ils vont se prendre des portes à gauche quand elles sont à leur gauche. Ils vont manger que la moitié droite de leur assiette, etc. Et donc il semble que le traitement de la moitié gauche du monde soit inconscient. Et effectivement, si on les met dans une IRM et qu'on regarde les activations liées au traitement des choses qu'ils ignorent en tout cas d'un point de vue subjectif, on observe que leur cerveau continue à le traiter. Seulement, comme le système attentionnel n'arrive pas à rediriger les ressources vers ces informations-là, elle reste traitée de manière simplement automatique et inconsciente. Et donc, d'un point de vue pragmatique en expérimentation, on va appeler inconscient des processus qui se produisent dans le cerveau, mais dont le sujet va dire non, j'ai pas vu, non, je n'ai pas vu ce visage, alors qu'on voit des activations dans l'air visuel des visages. Alors là, je vous parle des patients. Mais bien sûr, ça se produit aussi dans le cerveau de personnes qui n'ont pas eu d'accident cérébraux. Ça se produit en ce moment dans nos cerveaux. Jean-François Dortier. Oui, c'est intéressant la question. On définit l'inconscient par rapport au conscient, puisque la définition même, c'est l'inconscient, ce qui n'est pas conscient. Et quand vous demandez à un chercheur en sciences cognitives ce qu'est la conscience, eh bien, Claire Chargent vient de répondre, la première réaction, c'est « Oh là, c'est difficile !» Et effectivement, c'est difficile parce qu'il a fallu conceptualiser ce mot de conscience, qui peut vouloir dire plusieurs choses, puisque le sens courant, je suis conscient par rapport à inconscient, c'est je suis éveillé par une personne qui serait inconsciente, elle serait dans le coma ou en train de dormir. Mmh. Ça, c'est une première définition. Il y a une définition qui est, j'ai conscience de quelque chose, je marche dans la rue, si je ne vois pas l'arbre qui est en face, je vais buter contre lui. Donc c'est la conscience d'un objet. Mais il y a aussi la conscience de soi, on parlait de Descartes, c'est une conscience subjective. Les Anglais distinguent l'awareness, aware, c'est être conscience de quelque chose, mais le consciousness, la conscience de soi. Alors, vous voyez qu'il y a déjà une panoplie de mots sur le mot conscience. Donc, on aimerait bien pouvoir, quand on traite de l'inconscient, pouvoir dire, écoutez, c'est un peu comme un iceberg, vous voyez le sommet, c'est la conscience, ça c'est très clair, puis dessous il y a quelque chose qu'on ne voit pas et on va l'explorer. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'ici, même le sommet de l'iceberg, on n'est pas sûr qu'on parle de la même chose. Alors vous pensez bien ce qu'il y a dans les abysses, il y a de quoi encore disputer pendant longtemps. Voilà, donc inconscient et subconscient, hein. Donc je pense qu'avant tout le problème c'est une question de souplesse, hein. Donc maintenant on fléchit bien. France Culture. Inconscient et subconscient, et deux conscients et subconscients, maintenant on réfléchit bien sûr, et trois conscients et subconscients, hein. Eureka. Tout dans les genoux, question de... Ok. Antoine Beauchamp. Tout dans les genoux, les inconnus. Jean-François Dortier, reprenons un petit peu de sérieux. Est-ce qu'on peut dire qu'on a compris que définir l'inconscient et le conscient était quelque chose de complexe, mais on va quand même s'y atteler à cette tâche. Vous êtes là pour nous aider dans cette tâche-là. Est-ce qu'on peut dire que cette notion d'inconscient apparaît réellement et connaît une tentative de définition vraiment profonde à partir du 19e siècle. Et si oui, pourquoi est-ce que ça apparaît à ce moment-là au 19e siècle ? Oui, tout à fait. Parce que justement, effectivement, il y a un tournant important, puisque la plupart des philosophes avant du 18e siècle s'intéressent à la psyché humaine sous l'angle de la conscience, du langage, de l'esprit, qu'on considère être une spécificité humaine. Et à partir du 19e siècle, là commence à émerger l'idée que, au-delà de notre conscience, de ce qu'on estime être le sommet de l'évolution et le sommet du psychisme, eh bien, il y aurait des mécanismes cachés. Alors, cette tradition, enfin cette idée d'inconscient, même si le mot n'y est pas toujours, il apparaît dans plusieurs régions, plusieurs domaines. Mmh. Il y a des philosophes, il y a des psychologues, psychiatres, et il y a même un courant littéraire, sans parler également des scientifiques. Alors, en trois mots, des psychologues, Freud, lui, s'est présenté, effectivement, vous l'avez rappelé, comme un Christophe Colomb qui a mis le pied sur un territoire inconnu en disant « j'ai découvert ». Il adorait se présenter comme ça, comme d'ailleurs beaucoup de chercheurs, de découvreurs, comme étant venu le premier, comme un génie solitaire. Bon, non, il connaissait parfaitement, par exemple, les travaux de Lips, Theodor Lips, qui avait écrit en 1868, c'est-à-dire pratiquement 30 ans avant Freud, une philosophie de l'inconscient. Il écrit même, Freud, dans une lettre à son ami Fliess, « Ah, je viens de lire Lips, et je trouve qu'il a beaucoup des idées qui sont les miennes. » Exactement, j'ai la citation sous les yeux, « J'ai trouvé dans Lips mes propres principes exposés un peu mieux que je ne l'aurais désiré. » Donc, voilà. Oui, donc il reconnaît qu'il y a d'autres auteurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a pompé et qu'il aurait caché, hein, parce que vraisemblablement, quand il écrit cette lettre à Lips, il vient de lire le livre de Lips qui a été écrit 30 ans avant. Donc c'est possible aussi que ce soit simplement des découvertes parallèles, comme il en existe fréquemment dans l'histoire des sciences. Mais Lips n'est pas le seul. Chez les philosophes, on trouve la notion d'inconscient sous d'autres mots à travers Schopenhauer, l'idée de volonté, ou chez Nietzsche, à travers l'idée également de volonté, qui renvoie chez eux à l'idée de quelque chose qui relève de l'élan vital, de la force vitale, de la puissance à agir. On pourrait même remonter à Spinoza, le conatus de Spinoza, c'est la volonté de persévérer dans son être, mais c'est rien d'autre qu'un organisme un organisme vivant qui cherche à se déployer et qui est au service de la survie, soit de soi, soit de la survie de l'espèce. Par exemple, l'instinct sexuel, tel que l'entendait Freud, parce qu'il emploie le mot pulsion comme le mot instinct souvent au départ, eh bien, c'est rien d'autre que une action qui serait au service de la reproduction. Mais l'individu qui le fait, qui est porté par le désir, par la libido, il n'est pas forcément conscient de cela. L'enfant qui se met à marcher, qui se redresse sur ses jambes pour marcher, ce n'est pas pour aller d'un point à un autre. Au départ, on lui donne sa nourriture, on le change, tout ça. C'est parce qu'il a une force vitale qui le fait agir. Et donc, on peut imaginer qu'au 19e siècle, il y a beaucoup de philosophes qui commencent à percevoir cette force, cette force d'impulsion qui agit sur l'organisme. Ce qui est intéressant, je vous interromps deux secondes, c'est que même chez certains philosophes, cette notion d'inconscient dépasse la notion d'individu. Je pense à vous évoquer tout à l'heure Carl von Hartmann, chez qui c'est plus une idée d'âme universelle, ça rejoint les grandes idées de nature. Alors du coup, là, comment Freud rattache ça à l'idée d'inconscient? On parlera de Freud un peu plus en détail tout à l'heure, mais comment on peut expliquer cette évolution de l'idée d'inconscient d'un grand tout vers l'individu? Oui, alors c'est pour ça qu'il y a un glissement de sens. Il y a plusieurs en fait notions d'inconscient qui se dégagent au 19e siècle. Celle dont je viens de parler, c'est celle, on va dire, de l'élan vital, de la force vitale, qu'on retrouve chez les romantiques aussi, hein, à travers cette l'idée du vitalisme. Il y a un autre courant qui est plus de la psychologie expérimentale et qui relève de l'arc réflexe, de l'automatisme mental, dira Pierre Janet, qui lui a inventé la notion, au même moment que Freud, de subconscient, qui vient d'être cité dans dans Les Inconnus, qui ne parle pas d'inconscient, mais de subconscient. Mais l'idée est très proche, mais là, elle renvoie à des automatismes mentaux. Et puis, je le disais, j'y reviens, parce que pour moi, c'est une source très importante, y compris chez Freud, même si elle a été oubliée, c'est l'idée darwinienne de l'instinct. Quand il était jeune, Freud, il a travaillé sur les anguilles. Il a commencé par faire une thèse de neurologie, et puis il est allé ensuite travailler dans un laboratoire de physiologie, où lorsqu'il était, on va dire, doctorant aujourd'hui, il a travaillé sur les gonades des anguilles. Vous allez me dire quel est le lien avec le sujet. Le propre des anguilles, c'était un grand débat au 19e siècle, c'est comment se fait-il que les anguilles naissent en rivière, où naissent les anguilles? elles vivent leur vie. Elles vivent leur vie en Europe, dans toutes les rivières. Et puis, un jour, elles sont attirées par l'océan. Elles vont à l'océan. Et puis, on le sait aujourd'hui, mais on ne le savait pas à l'époque, dans la mer des Sargasses, où elles se reproduisent et reviennent ensuite, les générations suivantes reviennent à la source. Donc, il y a une sorte de force qui les attire, une force magnétique qui est assez mystérieuse. Et on se demandait, mais certains supposaient que l'anguille, en fait, avait une génération spontanée. Et donc, Freud faisait partie de ceux qui pensaient, non, c'est un acte de reproduction. Et donc, il a même disséqué 400 anguilles pour essayer de trouver les gonades, parce que c'était très mystérieux, on n'arrivait pas à les trouver. Bon, donc il y a un lien aussi, précisément avec le darwinisme, avec la science de la nature, le naturalisme. On va revenir, bien évidemment, tout de suite après à Freud et à l'importance capitale qu'il a eue pour la définition de l'inconscient. Claire Sergent, je voudrais vous poser une question sur ce 19e siècle qui, en termes de science, de neurosciences, est un siècle aussi fondateur. On pense à des noms comme Charcot, comme Broca. Est-ce que déjà, à cette époque, ces neuroscientifiques, ces parrains de la neuroscience, s'intéressent à la part cachée de notre conscience ou bien pas du tout? Oui, je pense qu'ils s'y intéressent. Alors, moi, je suis pas historienne des sciences. Hein. Bien sûr. mais effectivement, d'ailleurs, Freud a été très influencé par Charcot. Je pense que il y a les observations qui sont faites et il y a les mots qui sont mis dessus et ensuite les interprétations qui sont faites. Les observations étaient à disposition de tous et je pense que la psychanalyse en est emparée dans un sens et a développé dans un sens. Il y a eu d'autres développements qui se sont faits de la part plus des neurosciences et de la psychologie expérimentale. Mais pour en revenir à la psychanalyse, vous disiez finalement Freud, c'est le découvreur de l'inconscient. Est-ce que c'est pas plutôt le communicant de l'inconscient? De l'existence de l'inconscient, parce que effectivement, il a popularisé cette idée que il existe des forces qui échappent à notre volonté consciente et qui agissent sur nous, sur notre manière de penser, sur notre manière de nous percevoir, sur notre manière d'agir, qui est, je crois, maintenant largement validée parce que la science observe. Mais cependant, il a essayé d'en fournir une description qui est sans doute en large partie erronée ou pas démontrée. Et d'ailleurs, Lionel Nakache, dans son livre Le Nouvel Inconscient, dit « Ok, Freud, Christophe Colomb des sciences cognitives, mais Christophe Colomb, il a découvert un nouveau continent, mais il s'est trompé sur ce qu'il avait découvert. Il pensait avoir découvert une nouvelle voie maritime vers les Indes et il a découvert en fait un nouveau continent. Pourquoi il dit ça, Lionel Nakache ? Eh bien parce que Freud, pour essayer de décrire ce nouveau continent, va utiliser quelque chose qui est très intéressant et très important, ce qui est la thérapie par la parole. Et par cela, est-ce qu'il va découvrir la structure de l'inconscient ? Eh bien, pas nécessairement. Quand vous allez demander à quelqu'un, dites-moi, quels sont les ressorts cachés de votre comportement ? C'est complètement contradictoire en un sens. Ils sont cachés. Et d'ailleurs, voilà, quand on fait des expériences en sciences cognitives, ce qu'on va appeler inconscient, c'est justement tous ces processus qui peuvent être de haut niveau, mais dont le sujet dit, bah, je sais pas, non, je m'en rends pas compte. Et voilà, donc il y a ce paradoxe dans la psychanalyse qui peut être sans doute résolu, mais donc il est nécessaire d'examiner si effectivement par cet examen par la parole de ce que peut être l'inconscient, c'est bien l'inconscient qu'on révèle ou autre chose. Et les expérimentations actuelles sur la manière dont les gens vont rationaliser toutes leurs actions suggère que même lorsqu'ils n'ont aucune idée de quelle est à l'origine de leur action, aucun moyen de savoir quelle est l'origine de leur action, les gens vont être très contents de vous donner une interprétation. Et donc il faut aussi utiliser d'autres méthodes que ces méthodes interprétatives et par la parole et par l'explicite pour interroger l'inconscient. Et puisque on parle de méthode, on en parlera tout à l'heure bien évidemment, mais aussi on parle de Freud, alors je vous propose qu'on écoute sa voix. I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. J'ai commencé mon activité professionnelle de neurologiste afin d'apporter du soulagement à mes patients névrosés. By my own effort, I discovered some important new facts. Avec l'aide d'un vieil ami et grâce à mes efforts, j'ai découvert quelques faits importants et nouveaux sur l'inconscient dans la vie psychique et sur les pulsions instinctives. Out of these findings grew a new science. De ces découvertes est née une nouvelle science, la psychanalyse, une partie de la psychologie et une nouvelle méthode de traitement des névroses. Voilà, on l'entend Freud, pardon, traduit par Antonin Amberger, qui évoquait son passé de neurologue, de neurobiologiste. Jean-François Dortier, une réaction à cette archive. Vous me disiez pendant qu'on l'entendait que vous n'aviez jamais entendu cette voix-là. Je crois qu'il y a très rares archives de Freud. Oui, je n'ai jamais entendu la voix de Freud. C'est touchant de l'entendre. Alors, la traduction est très intéressante aussi. Il parle donc de l'inconscient comme pulsion instinctive. On a donc pas du tout le schéma de l'inconscient cognitif ici. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Freud aurait simplement parlé de la même chose qu'aujourd'hui les spécialistes des sciences cognitives parlent de l'inconscient. On peut pas dire non plus qu'il aurait découvert un territoire, il serait trompé de nom. Il ne parlait pas du tout de la même chose. Qu'est-ce qu'il cherchait à démontrer, Freud ? Alors, Freud, donc, il a commencé effectivement par des études de neurologie, de médecine, de neurologie, mais ensuite, quand il est allé précisément à Nancy, il a découvert la psychiatrie, il est devenu psychiatre. À Nancy, il y avait Hippolyte Bernheim qui travaillait avec Charcot d'ailleurs sur la question de l'hystérie. L'hystérie, qu'est-ce que c'était ? C'était la grande maladie de l'époque, du tournant du 19e, 20e siècle. C'était précisément une maladie qu'on jugeait féminine, avec la fameuse grande hystérie de Charcot, vous savez, donc à la Salpêtrière, où on voit ces femmes qui tombent en quelque sorte en catalepsie et puis d'un seul coup ont des troubles, des transes, une voix caverneuse qui sortent des gestes souvent obscènes, qui ressemblent à quelque chose de démoniaque, à une prise de possession démonologique. Et Et c'était sous hypnose. Et donc, à l'époque, une grande partie de la psychiatrie s'intéresse à l'hystérie. Et l'idée, c'est que... Alors, Charcot, lui, de ce point de vue-là, il n'est pas neurologue. Il défend, au contraire, l'idée qu'il n'y a pas de source organique à la maladie hystérique. Il est donc contre les théories habituelles qui pensaient que l'hystérie, ça vient de l'utérus, c'est les femmes et c'est une maladie organique. Il lui dit non, que c'est un trouble psychique. C'est un trouble psychique, mais il n'en connaît pas vraiment la cause. Il suppose peut-être que c'est des traumatismes de l'enfance. Et Freud, il va relier l'hystérie avec son schéma, son interprétation à lui, notamment à travers un cas emblématique sur lequel on pourrait beaucoup parler, qui est Anna O, avec qui il étudie, qui est une patiente qu'il n'a jamais vue d'ailleurs, mais son ami Eugène Beuer étudie, qui connaît également des troubles, on va dire, somatiques, des pertes de sommeil, des peurs. Et par moments, elle peut plus parler sa langue allemande. Ça se passe au moment où son père vient de disparaître. Et bon, et donc, Beuer dit, grâce à l'hypnose d'abord, puis ensuite, par la parole, simplement, je m'aperçois qu'elle va beaucoup mieux. Et donc, Freud dit, en fait, il y a chez ces femmes une pulsion cachée qui va relier à la sexualité, qui est en fait refoulée. Et c'est ce refoulement qui produit un conflit psychique. Donc, cette pulsion, c'est la libido, c'est l'instinct sexuel, c'est ce qu'il vient de dire, hein, la pulsion instinctive, mais qui est refoulée en plus dans une société qui refoule énormément dans un monde relativement puritain, la sexualité, ça crée un conflit psychique, et donc dans le monde ordinaire, il va l'expliquer plus tard, ce conflit psychique est résolu par une sorte de canalisation des pulsions à travers les rêves, à travers le lapsus, à travers ce qu'il appelle les actes manqués. Et parfois, le conflit est si violent que ça provoque une névrose, un conflit. Et son idée, lui, donc, d'inconscient, il est bien pulsionnel. Il n'est pas du tout cognitif, il ne renvoie pas au réflexe ou ce que Pierre Janet à l'époque appelle l'automatisme mental, c'est-à-dire le fait de pouvoir voilà, avoir des réflexes, avoir des pensées qui échappent à ma conscience, c'est un autre parti, pour s'intéresser à la pulsion. Et il a besoin de la relier à la sexualité parce que quelle serait cette pulsion fondamentale qui agirait. Et il va se fâcher avec son ami Beuer qui dit non, peut-être qu'il y a des traumatismes de l'enfance, peut-être qu'il y a des pulsions sexuelles dans certains cas, mais c'est pas le cas le plus général. Est-ce que Freud donne à un endroit dans ses travaux une définition concise de l'inconscient ? Et c'est surtout intéressant dans ses travaux parce que cette notion d'inconscient et son approche, elle évolue. Oui. Alors justement, c'est assez intéressant parce que Freud, au départ, utilise ce mot justement inconscient au sens où on l'a entendu, c'est-à-dire ce qui n'est pas conscient. Et il y a ce qu'on appelle la première topique, c'est-à-dire la première description du psychisme humain en trois étages. Il dit, il y a l'inconscient, le préconscient et le conscient. Si vous voulez, c'est comme votre mémoire. Je me souviens d'un certain nombre de choses. Il y a des choses qui sont enfouies dans ma mémoire que je ne me souviendrai jamais. Par exemple, si j'ai été avant 3 ans mordu par un chien, je pourrais avoir toute ma vie une phobie des chiens sans me souvenir ce que c'est. Et puis parfois, j'ai des souvenirs qui me reviennent en mémoire. Ils ne sont pas conscients, mais ils peuvent revenir. Ils sont donc dans le préconscient. Donc, pour lui, le traumatisme fonctionne comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que pendant... une vingtaine d'années, il va défendre ce modèle-là, 300. Et pour lui, l'inconscient, c'est très net, c'est la pulsion, c'est la libido, c'est la pulsion sexuelle. Il écrit aussi, dans les années 1910, beaucoup sur la sexualité infantile, il insiste beaucoup là-dessus. Après la Première Guerre mondiale, excusez-moi, en 1915, on commence à lui... Freud est à cette époque très célèbre, et on commence à lui soumettre des cas de névrose, qu'on appelle les névroses de guerre. C'est les gens qui reviennent, les soldats qui reviennent du front et qui sont traumatisés. On appellerait ça aujourd'hui les stress post-traumatiques. Ils sont hagards, ils ont des cauchemars, ils ont des terreurs nocturnes terribles. Bon, donc il y a des et on demande à Freud, mais comment expliquez-vous ces traumatismes? Et ça devient difficile d'expliquer par une pulsion sexuelle qui serait refoulée. Et donc il dit il y a une deuxième pulsion qui est à l'œuvre. C'est la pulsion de mort, mais la pulsion de mort donc meurtrière, mais qui est retournée contre soi. Donc il élabore toute une théorie, et donc à partir de ce moment-là, l'inconscient, il a c'est une figure de Janus, il y a à la fois l'éros et Thanatos, la pulsion de vie et la pulsion de mort. Bon, et puis quelques années plus tard, puisque le but même, il va encore remanier un peu l'idée d'inconscient, donc là il l'a enrichi, si vous voulez, Et à partir de 1923, dans un texte, il dit « Mais peut-être que le mot inconscient, c'est pas le bon. Pourquoi ? Parce que le but de la psychanalyse, c'est justement, grâce à la parole, de révéler chez vous ce qui est inconscient. Vous faites un rêve, je vais vous donner le sens caché de ce rêve. Si j'intègre ce rêve et j'admets qu'il y a un sens caché, d'un seul coup, ce qui était inconscient devient conscient. Mais pour autant, les rêves ne vont pas disparaître. La pulsion ne va pas disparaître, si c'est une pulsion sexuelle, une pulsion meurtrière ou que sais-je d'autre. Donc, il se rend bien compte que le mot inconscient désigne à la fois une pulsion, un lieu du psychisme, et puis en même temps un état de conscience qui pourrait devenir conscient, et c'est même le but de la psychanalyse. Alors il dit, je vais, à partir de ce moment-là, ne plus utiliser le mot inconscient. Pour parler de la pulsion, je parlerai du « ça », mot qu'il a repris à Grodeck, qui était un de ses élèves. Donc le « ça », c'est la marmite bouillonnante des pulsions. Le chaudron dans lequel, voilà, et pour lui, c'est les pulsions vitales, hein. La destruction, le meurtre, parce que nous sommes des prédateurs, l'amour, le sexe, l'érotisation, et puis aussi les pulsions de survie, tout simplement, Et l'état de conscience, eh bien, il est en étage. Donc, vous voyez que le mot inconscient, même chez Freud, il a changé de sens. Curieusement, les psychanalystes après continueront souvent à employer le mot inconscient, alors que Freud lui-même s'en est débarrassé dans un texte célèbre qui s'appelle « Le moi et le ça » de 1923. C'est très intéressant cette évolution et cette façon finalement que la notion d'inconscient qui était posée comme un parangon à la fin du XIXe siècle échappe complètement à Freud. Et restez avec nous parce que justement on va poursuivre dans un instant notre exploration de la découverte de l'inconscient par la psychanalyse, mais également évidemment par les neurosciences. Why would I spend the rest of my days unhappy? Why would I spend the rest of this year alone? When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy 2 times a day. Why would I spend the rest of this week so bitter? And all that listening is making you bitter too. When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy 2 times a day. I don't wanna be around me, and I don't blame you if you're blocking all my calls. Been a while since I've been sleeping soundly. Most nights I lie awake between 2 and 4. Still never enough. Why would I spend the rest of my days unhappy? Why would I spend the rest of this year alone? When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy 2 times a day. Therapy de Mary J. Blige à 16h33 dans Eureka. Nous parlons tout au long de cette heure de la découverte de l'inconscient en compagnie de Claire Sergent, professeure de neurosciences cognitives à l'Université de Paris, et de Jean-François Dortier, fondateur de la revue Sciences Humaines et de la revue L'Humanologue. On parlait avant la musique de la conception freudienne de l'inconscient. On avance un petit peu dans le temps et je vous propose d'écouter un extrait d'un film. Il s'agit d'un extrait de La maison du docteur Edwards d'Alfred Hitchcock. C'est sorti en 1945. Je suis sûre que vous vous sentez mieux ce matin. Je me sens très mal. Ça viendra. Toutes ces histoires, c'est de la blague. Quelles histoires, Michel? La psychanalyse. Oh, je commence à en avoir assez. S'étendre sur un divan pour raconter des histoires idiotes. Oh, si vous croyez obtenir un résultat en me faisant bavarder sur ce qui m'est arrivé dans mon enfance, c'est grotesque. Mes patients, généralement, me regardent comme un fléau au cours des premières séances. Oh, je connais la chanson. C'est mon inconscient qui se révolte. Il ne veut pas que je guérisse. C'est cela. Votre inconscient se complaît dans la névrose. C'est à moi d'en trouver la raison exacte. Quand vous saurez pourquoi vous faites ce qui est néfaste pour vous et quelle en est l'origine, alors vos troubles cesseront tout seuls. Vous pensez que je vous cache la vérité? C'est en général ce qui se passe. Et voilà un extrait de ce film d'Alfred Hitchcock, Jean-François Dortier. Ce qui est intéressant, et vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est que la notion d'inconscient développée par Freud, elle évolue. Lui, à un moment, finit par s'en détacher un petit peu en préférant la notion de ça à la notion d'inconscient. Et pourtant, populairement, la notion qui est retenue, c'est la notion d'inconscient. Comment est-ce qu'on explique le succès très rapide de cette notion-là et le succès notamment du recours à la psychanalyse? Oui. Effectivement, très tôt, Freud a été célèbre. Ses premiers textes, La science des rêves, son premier grand livre, La science des rêves, c'est 1900. Dès 1907, il est invité par William James, qui est la grande figure de la philosophie et de la psychologie américaine, à venir faire une conférence aux États-Unis. Lui-même pense qu'il dit, les Américains dans la psychanalyse, c'est pas pour eux. Juifs allemands, qui est ça, non, eux, ils sont beaucoup plus pragmatiques et autres. Et il va y avoir un succès fou. Donc, la psychanalyse se répand en Europe, ou en Angleterre, aux États-Unis, en France, plus tardivement d'ailleurs. Voilà. Et alors, dans les années 60, Serge Moscovici, un psychosociologue, avait écrit un livre qui s'appelle « La psychanalyse et son public » qui montre qu'effectivement, elle se répand à la fois dans le grand public, dans les films, dans les documentaires, dans tout ça, les notions de complexe, les notions d'inconscient, souvent associées au mot de subconscient, alors que c'est un terme de Janet, mais peu importe. Oui. Et l'idée que nous avons au fond de nous des traumatismes cachés, des choses cachées qu'on ne veut pas dire et puis qui peuvent se révéler lors des thérapies ou lors des jeux de mots ou lors des lapsus ou lors des... Eh bien, c'est une idée qui est très largement diffusée. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'en plus, il y a une ramification de la pensée psychanalytique. Plusieurs écoles, plusieurs plusieurs courants. Écoles, et chacun va se forger son propre inconscient. Dans les années 50, en France, c'est Jacques Lacan qui commence à développer une vision très structuraliste de l'inconscient, où l'inconscient, dit-il, est structuré comme un langage, donc il est ses références, c'est Lévi-Strauss, c'est Jacobson, c'est la linguistique, c'est l'idée que, grâce... L'inconscient, c'est un langage, il agit comme ça, et la pulsion, le phallus, par exemple, c'est le père, c'est le patron, c'est le pouvoir. C'est parce la loi. Ouais. C'est la loi, c'est... Et à travers des jeux de mots, simplement, on peut faire des références, et il y a une sorte de glissement, comme ça, de sens. Mais si vous allez chez aux États-Unis, on commence à désexualiser énormément l'inconscient et ça renvoie beaucoup plus au traumatisme de l'enfance et précisément en Angleterre aussi, où l'inconscient, ça devient pas forcément la sexualité, mais tout ce qui est les traumatismes de la petite enfance. L'un des grands noms de la psychanalyse, c'est également Jung, qui fait naître la notion d'inconscient collectif. Voilà. Alors Jung, c'était plutôt encore, puisque Jung s'est séparé de Freud dès les années 1910, où il déploie l'idée d'une sorte d'inconscient collectif, qui est un inconscient, on va dire, évolutionniste. C'est que nous portons en nous, en tant qu'animal, en fait, des fantasmes très archaïques qui viendraient du passé préhistorique, la peur du loup, la peur du dragon, la peur du serpent, l'eau, la mer, enfin tout ce qui va appeler les archétypes. Ce sont des grandes figures qui apparaissent dans les rêves, qui apparaissent dans les mythologies et qui renvoient en fait à des formes pulsionnelles cristallisées sous forme d'images. Et c'est ce qu'il appelle l'inconscient collectif. Claire Sergent, on parle avec Jean-François Dortier depuis tout à l'heure de l'histoire et de l'évolution de la psychanalyse. Il y a quelque chose qui est étonnant, moi, en tout cas qui m'étonne beaucoup, c'est que les neurosciences finalement se soient intéressées relativement tard à cette notion d'inconscient après la conceptualisation qu'on a faite de Freud. Comment on explique ce retard-là qui a été pris? Est-ce que c'était un retard choisi, voulu par les scientifiques, ou bien est-ce que c'était faute de méthode, faute d'outils? Oui, je dirais que c'est juste un retard de langage parce que des découvertes importantes sur le fait qu'il existe différentes manières de traiter l'information par le cerveau, je pense qu'elles ont émergé avant même que le milieu scientifique s'autorise à parler de conscient et d'inconscient. Je voudrais juste revenir, avant de poursuivre là-dessus, sur une remarque de Jean-François Dortier, sur laquelle je suis pas Pas d'accord. C'est, vous disiez, Jean-François Dortier, finalement, Freud, il ne parle pas du même inconscient. Il parle des pulsions, ce n'est pas l'inconscient cognitif. Écoutez, moi, je ne serais pas du tout d'accord avec ça. Je pense que tous, cognitivistes comme psychanalystes, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre l'esprit humain et de comprendre les mécanismes à l'œuvre dans l'esprit humain qui échappent à sa volonté consciente. Et je pense que vraiment, il y a une confluence d'objectifs et une divergence de méthodes. Là, je pense que c'est important de souligner ce point-là. Et d'ailleurs, en sciences cognitives, c'est vrai que les sciences cognitives sont un peu timides sur les aspects émotionnels, peut-être. Mais enfin, il y a quand même des études scientifiques très poussées sur l'importance majeure des émotions de la motivation dans toute décision. Et même dans toutes nos décisions rationnelles, de nombreuses penseuses et penseurs ont mis en avant le fait que les décisions rationnelles humaines reposent sur le fonctionnement du système limbique, sur le fonctionnement émotionnel, notamment Damasio, par exemple, dans son livre L'erreur de Descartes. Donc je serais vraiment pour lever cette séparation qu'on essaye de mettre entre l'inconscient psychanalytique et ce dont parlent les sciences cognitives. Peut-être que effectivement Freud a construit une théorie de l'inconscient très développée à laquelle on n'a pas encore atteinte par vraiment la méthode scientifique, parce que elle est plus lente, mais justement, elle construit quelque chose qui est aussi plus solide. Comme vous le disiez, la psychanalyse a quand même proposé différentes théories qui sont parfois incohérentes les unes avec les autres. Et donc, il est nécessaire aussi de faire cette démarche plus lente d'observation scientifique pour voir si effectivement telle ou telle théorie psychanalytique, telle ou telle proposition est vraie et vérifiable effectivement dans le fonctionnement de l'esprit humain. Et justement, Claire Sergent, à partir des années 70, il y a des expériences en neurosciences qui vont permettre d'ouvrir la porte à une nouvelle conceptualisation de l'inconscient. C'était des expériences qui étaient réalisées avec des patients qui étaient atteints de vision aveugle. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi ont consisté ces expériences d'un point de vue méthodologique, mais également ce qu'elles ont permis d'établir en termes de nouvelles définitions de l'inconscient? Oui. Alors, effectivement, oui, comme on le disait, les milieux scientifiques se sont éloignés de l'idée d'inconscient. Il y a même eu un rejet du mot, en tout cas. Mais néanmoins, les faits sont plus têtus que les opinions. En tout cas, ça s'est vérifié ici. Et donc, dans les années 70, des chercheurs qui s'intéressaient à des patients qui avaient des lésions dans le cortex visuel primaire, ce sont les premières aires du cortex qui reçoivent l'information visuelle depuis la rétine. Donc, ils avaient des lésions dans le cortex visuel primaire et donc ils disaient qu'ils étaient aveugles. Ils disaient « je ne vois rien, je ne peux plus marcher dans la rue, etc. » Eh bien, les chercheuses et les chercheurs se sont aperçus que malgré tout, par hasard, ils ont vu que malgré tout, ils traitaient quand même, ils continuaient à traiter des informations visuelles. Donc probablement par d'autres routes que celles qui passent par le cortex visuel primaire. Mais pourtant, ces informations visuelles, ils semblaient les traiter en n'en ayant pas conscience, c'est-à-dire ils disaient « je suis aveugle, je ne vois rien ». Et donc, ils ont commencé à les tester vraiment méthodiquement. Par exemple, en leur disant « je vous enlève votre canne, vous avancez dans ce couloir-là devant vous. » Et les personnes qui ont ce syndrome vont dire « non, j'en suis incapable, je suis aveugle. » Essayez quand même. Et ils ont vu qu'en mettant ces gens dans un couloir avec plein d'obstacles par terre, spontanément, ces personnes allaient réussir à naviguer entre les obstacles. C'est-à-dire qu'il y avait des mécanismes qui incluent d'ailleurs des mécanismes vraiment cérébraux. Hein. C'est pas juste la moelle épinière qui vous permet de faire ça. Et donc des informations visuelles qui arrivaient à être traitées de manière à ce que la personne arrive à naviguer dans cet environnement. Et pourtant, la personne soutenait Mordicus qu'elle n'avait aucune expérience visuelle. Donc il y avait un désaccord entre la capacité objective de la personne à traiter l'information visuelle jusqu'à l'action et son ressenti subjectif. Et c'est vraiment cette contradiction qui a vraiment ouvert la possibilité d'une définition facile à attraper pour l'expérience de traitement conscient versus inconscient. Un traitement inconscient va être un traitement qui se produit sans que la personne soit capable d'en rendre compte subjectivement, qui ne s'accompagne pas d'expériences subjectives. Et c'est là qu'on a été obligé de dire, OK, il y a deux types de traitements qui se produisent dans le cerveau, conscient et inconscient, même à l'éveil. Et on a du coup ouvert cette brèche et étudié ses capacités aussi chez les sujets sains en utilisant des protocoles de masquage, par exemple. On va plutôt parler d'images subliminales pour le grand public. Je crois que tout le monde connaît cette notion où on va pouvoir vous montrer une image. Votre cerveau va le traiter, mais vous êtes incapable de dire que vous l'avez. Oui. Jean-François Dorty, une réaction à ce que vient de dire Claire Sergent. Bon, Claire Sergent a dit qu'elle n'était pas d'accord avec ma vision. Nous ne sommes pas une émission de débat, nous sommes une émission d'histoire des savoirs et des sciences. On pourra vous mettre en contact après. C'est intéressant d'histoire des sciences, de voir. Moi, je continue à penser qu'il y a deux philomes, deux traditions de pensée qui sont très très différentes. Et que même dans le domaine des sciences cognitives, qui ne sont pas d'ailleurs que les neurosciences, puisque la notion d'inconscient cognitif est apparue pour la première fois en 1987 d'un auteur qui s'appelle qui parlait pas du tout de neurosciences à l'époque, hein. C'était les sciences cognitives. Et donc, on pouvait faire des expériences, comme elles viennent d'être évoquées sur la perception subliminale, le fait que vous voyez une série d'images très rapidement qui défilent devant vous. À l'intérieur, il y a une salade ou il y a une voiture, mais vous l'avez même pas le temps de voir. Et puis, quand on vous demande on vous présente des mots, ben, vous choisissez préférentiellement, de façon préférentielle, plutôt, tel mot, le mot salade et le mot voiture. Il est entré en vous. Mais, cette perception subliminale, c'est qu'une des figures de l'inconscient cognitif qui, effectivement, lui aussi est tout un continent. Si on remonte au début du XXe siècle, il y avait un mot qui était l'intuition, qui ressemblait aussi, non plus là du tout simplement à des sortes d'apprentissage implicite, mais qui était une forme de pensée très élaborée qui pouvait se faire à l'insu de la personne. Alors c'est Henri Poincaré, le mathématicien, qui raconte une expérience lorsqu'il a fait une découverte, une sorte d'eureka, c'est le titre de l'émission, sur les fonctions fuchsiennes. Il y pense, comme tout savant, il est habité par un problème mathématique extrêmement sophistiqué sur lequel il travaille depuis des mois et des mois. Et puis un jour, il décide de changer de sujet, de prendre le bus pour aller à Caen, je ne sais plus pour quelle raison. Et il disait alors que je ne pensais plus du tout à ça, en montant les marches d'un seul coup, illumination, j'ai trouvé la solution. Et il se précipite chez lui pour vérifier si l'équation est juste. Alors, il dit, il y a eu quelque chose qui va décrire, il décrit les étapes d'ailleurs, hein, d'une sorte de maturation interne d'une pensée là qui est très élaborée. On n'est pas dans la perception subliminale, on n'est pas dans une sorte d'apprentissage implicite, on est vraiment dans une sorte de pensée qui est à l'œuvre, qui continue en sous-main et qui va se révéler à lui sans qu'il en ait conscience. Donc, on a en fait un spectre extrêmement large du mot inconscient cognitif, qui est effectivement tout ce qui échappe à la conscience, mais qui peut aller de l'illumination, de l'eureka, jusqu'à l'apprentissage gestuel. Prenez un exemple très simple pour montrer aussi comment les allers-retours entre le conscient et l'inconscient. La conduite automobile. Lorsque vous apprenez à conduire, vous passez vos vitesses, vous êtes en train d'apprendre, vous devez vous concentrer sur les gestes et c'est la même chose avec le piano. Peu à peu, ces gestes deviennent automatisés. Pierre Jeannet appelle ça l'automatisme mental après. Eh bien, ensuite, vous pouvez conduire votre voiture en pensant à autre chose et vous continuez à passer à vos vitesses. Donc, c'est toute une série de processus cognitifs, parce que c'est élaboré de passer des vitesses, eh bien, mais qui se font et qui échappent à la conscience. Mais ça a été conscient et c'est un apprentissage intériorisé. Claire Sergent sur cette notion clé d'inconscient cognitif qui apparaît dans les années, à la fin des années 80, comme Jean-François Dortier le disait. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et quelle importance a pris cette notion d'inconscient cognitif? Oui, je pense que c'est vraiment très intéressant ce que vous dites, Jean-François Dortier. Je suis là, pour le coup, vraiment d'accord. Il y a différents niveaux d'élaboration dans la pensée inconsciente et aussi effectivement dans l'inconscient cognitif. Donc l'expérience que je vous ai décrite sur les patients qui ont une vision aveugle, c'est finalement la reconnaissance de l'existence de traitements non conscients. Et ensuite, je dirais que donc là, c'est vraiment un traitement subliminal, hein, comme vous disiez, quand on fait du masquage, le traitement automatique d'une information. C'est important, c'était important, et ça l'est toujours, de démontrer effectivement que ça peut exister. Et là, pour le coup, c'est des traitements inconscients de bout en bout. Vous n'êtes même pas conscient de l'information sensorielle. Mais il y a aussi des traitements inconscients à différents niveaux, un peu plus subtils, et je dirais que les sciences cognitives nous révèlent un élément extrêmement important pour la compréhension de l'esprit humain et de ce qui est en jeu inconsciemment, c'est la notion d'interprétation cognitive. Et cette interprétation cognitive, elle se fait, et donc on s'en rend compte que c'est un concept qui va permettre d'éclairer de très très nombreux mécanismes qui sont à l'œuvre dans notre compréhension du monde, que ce soit au niveau de la perception, que ce soit au niveau de la construction de soi, que ce soit au niveau de l'interaction sociale, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette interprétation cognitive qui met à l'œuvre des processus qui sont implicites? Eh bien, c'est le fait de reconnaître que n'importe quelle activité cognitive va nécessairement naître de l'association non pas seulement de l'information qui vient de l'extérieur, mais également d'une combinaison de cette information avec une histoire cognitive, soit une histoire personnelle, mais aussi l'observation des statistiques de l'environnement, etc. Ça va devenir plus clair si je vous donne un exemple. Là, je suis en train de faire une salade de tomates. En même temps, dis donc, vous êtes... Bravo. Je suis multitâche, comme on dirait. Non, imaginons que je fais une salade de tomates, oui. Ou plus tard dans la soirée, je ferai une salade de tomates. En tout cas, je vous parle de ma salade de tomates, et là, je vous dis avocat. Et là, la première chose à laquelle vous pensez quand je vous dis avocat, c'est bien sûr l'avocat qui se mange. Enfin, j'espère. Oui. N'est-ce pas ? Voilà. Oui. Et là, en fait, on voit que automatiquement, le traitement de cette information avocat, qui est une information totalement ambiguë parce que elle peut relever du fruit avocat et elle peut relever aussi de la profession avocat, et de manière automatique votre cerveau là, ou votre esprit, les deux, a désambiguisé cette information, l'a rendue a forcer une interprétation parce que c'est la plus plausible dans le contexte actuel, qui est que je vous parle de ma salade de tomates. Ça, c'est un exemple très simple qui montre à quel point sont à l'œuvre des processus automatiques d'interprétation du monde qui sont essentiels pour fonctionner dans le monde. Alors là, ça se fait au niveau de l'interprétation du langage, mais ça a lieu aussi tout simplement pour la perception visuelle, par exemple, ou la perception auditive, etc. Et c'était une question que je souhaitais vous poser, Claire Sergent, avant que l'émission ne termine. C'est, là, on parle de l'interprétation du langage. Est-ce qu'on peut observer des phénomènes inconscients avec les outils de neuroimagerie qui ont connu des progrès considérables ces 20-30 dernières années? Ah oui, tout à fait. Bah, déjà, on en a parlé déjà un peu en parlant de l'IRM fonctionnel chez les patients qui ont une hémi-négligence. On va leur montrer un visage ou même un visage qui montre une émotion dans leur champ négligé. On va leur dire qu'est-ce que vous voyez je vois rien. Et pourtant, on va voir que leur système visuel va s'activer, l'air visuel des visages va s'activer et le système limbique va s'activer si le visage montre une émotion. Donc, effectivement, on peut commencer à voir les chemins que prennent les traitements inconscients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe que ils ont beaucoup en commun avec les chemins de traitement conscient, tout simplement. Ce qui est intéressant, bien sûr, la question d'après, c'est bah, quelle est la différence entre un traitement inconscient automatique et un traitement contrôlé dont on va pouvoir parler explicitement, rapporter et sur lequel on a une action volontaire. Quelles sont les limites encore aujourd'hui de votre discipline, Claire Sergent, sur la compréhension de l'inconscient? Quelles sont les grandes frontières? Parce que on a parlé de Freud longuement en première partie de l'émission, on a parlé également en deuxième partie de cet aspect approche neuroscientifique. Quelles sont encore les limites qui vous empêchent de percer les mystères de cet inconscient-là? Alors, je dirais, mon impression, c'est que, on n'a pas encore tout découvert, mais mon impression, peut-être que je suis une optimiste forcenée, c'est que on a maintenant tous les outils et les concepts pour commencer vraiment à explorer ce continent. Et les outils et les concepts, on vient d'en parler, donc essayer d'avoir une définition objectif de ce que peut être conscient et inconscient, et ensuite avancer avec cette notion que un élément de compréhension important de la cognition humaine, de la cognition en général d'ailleurs, c'est cette capacité de combiner une information ponctuelle à un moment T qui est forcément ambigu avec toute notre histoire et toutes les statistiques de l'environnement qui sont absorbées de manière extraordinaire par le cerveau à tout niveau. Et donc, avec ces différents concepts en main, je dirais que la limite, elle est fixée par l'imagination des expérimentalistes et des théoristes, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a actuellement tous les outils en main pour explorer ce continent, essayer de comprendre quelles forces peuvent avoir ces fameux biais qui vont forcer l'interprétation de ce qu'on perçoit. Un des domaines dans lesquels c'est vraiment intéressant de s'interroger sur cette question, c'est bien sûr le domaine des interactions sociales, parce que dans le domaine des interactions sociales, ces biais cognitifs, c'est ce qu'on appelle les préjugés. Et ces préjugés, il n'existe pas seulement chez d'affreuses personnes racistes, ils existent chez tout le monde parce que le fonctionnement de notre cerveau, c'est de capter les statistiques de notre environnement pour comprendre le monde très rapidement dès qu'on voit un nouvel exemplaire. Voilà. Et donc bien sûr là c'est en train de changer, mais si à la radio nous n'entendons que des hommes spécialistes ou experts, il est tout naturel pour notre cerveau de penser que quand on va entendre une femme, elle est moins experte, etc. Et en changeant les statistiques de ce qui se passe dans notre environnement, on est aussi en train de changer ces préjugés automatiques. Et on y travaille d'arrache-pied. Merci beaucoup à vous deux, Claire Sergent et Jean-François Dortier, d'être venus nous parler de cette évolution de l'inconscient depuis Freud jusqu'aux neurosciences. Cette émission touche à sa fin. Comme tous les jours, on se quitte en musique avec un petit retour en arrière. On va parler de désir avec Laurent Voulzy et Véronique Jeannot. Désir, désir. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Hundenstock, Antonin Amberger, à la réalisation Milena Elig, à la technique aujourd'hui Déborah Dagobert. Demain à 16h, nous nous laisserons tomber dans le vide pour une histoire de la découverte de la gravitation. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. France Culture. L'esprit d'ouverture.